chacun son destin. Fais ce que tu peux, gère le type avant qu'il leur sert de festin. Deviens dingue, change, deviens bestial. Car l'argent sort plus attirant qu'une belle femme. À chacun son destin. Fais ce que tu peux, gère le type avant qu'il leur sert de festin. Deviens dingue, change, deviens bestial. Car l'argent sort plus attirant qu'une belle femme. Tu sais, à son destin on n'échappe pas. Je suis le plus connu des inconnus comme le Shakhtar. Désert, au rap on ne jacque pas. À chaque individu on divise chaque part. Les mauvaises herbes poussent, seules les tombes sont pleines de roses. La haine rôde, le fils brille comme l'émeraude. Toujours les mêmes têtes, pour les mêmes rôles. Tout ça nous mènera, plus en jaune qu'à Melrose. On apprend les mêmes choses, marche dans les mêmes choses. Mais le manque de sous fait qu'ici les mecs shootent. Ouais les mecs tombent, disent que c'est mec tout. Mais l'été dans le quartier c'est en zone, ce que les mecs tournent c'est la merde cousse. On se laissera pas abattre, on voit des patates quand on se fait contrôler par la BAC. Gangsta Paradise, pour changer y'a pas adage. Chacun son destin, tu connais pas l'adage. À chacun son destin. Fais ce que tu peux, gère le type avant qu'il leur sert de festin. Deviens dingue, change, deviens bestial. Car l'argent sort plus attirant qu'une belle femme. À chacun son destin. Fais ce que tu peux, gère le type avant qu'il leur sert de festin. Deviens dingue, change, deviens bestial. Car l'argent sort plus attirant qu'une belle femme. J'ai entendu dire qu'on avait tous le choix. J'ai surtout vu que le pire pouvait arriver tous les soirs. La chance peut tourner soit, faut pas perdre d'espoir. Mais dans les squares, c'est toujours les mêmes qui shootent des squats. Quoi? Ce que je te dis ça te choque, mais la triste réalité sans mon ce que dis c'est ça que j'offre. J'offre pour la lutte, comme le commandant Massoud. Ils font les sourds, n'entendent plus les cris de mes cousins dans la soude. Sous le seuil légal, je crache pas dans la soupe les gars. L'écart se creuse, le destin est loin d'être souple. Souffre à ma place, je passe et place mes pions. En espérant qu'ils reconnaîtront ma patte, la rue ma patte. Je prends mes distances, le destin suit son cours. Les tensions sont loin de se distendre. Un joint pour se détendre, un verre je prends le volant. Mes frères sont violents, mais la vie est loin d'être tendre. À chacun son destin. Fais ce que tu peux, gère le type avant qu'il leur sert de festin. Deviens dingue, change, deviens bestial. Car l'argent sort plus attirant qu'une belle femme. À chacun son destin. Fais ce que tu peux, gère le type avant qu'il leur sert de festin. Deviens dingue, change, deviens bestial. Car l'argent sort plus attirant qu'une belle femme. À chacun son